Salut à tous les bonitos! Bienvenue dans votre épisode spécial Noël 2018. Et oui les bonitos, je ne suis pas seule aujourd'hui pour introduire cette émission un peu spéciale. Les plus fidèles d'entre vous l'auront reconnu. Émile nous fait le plaisir de venir me prêter main forte. C'est sympa que tu reviennes nous voir. Finalement, on n'avait jamais fait d'émission ensemble, toi et moi. Donc la boucle est bouclée. Effectivement, je me suis dit qu'on serait pas de trop à deux pour discipliner les énergumènes qu'on a en face. Ouais. Je ne suis pas le seul à revenir d'ailleurs, faire un petit coucou. Bien sûr, on a Émir avec nous. Salut Émir. Comme d'habitude, salut à tous. On a aussi David. Salut tout le monde. Et on a le troisième trublion, Rémi. Non, c'est pas Rémi, c'est Ouin-Ouin. Rémi, il est malade. rends-nous Rémi, on cool. Est content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bah, je vais aller le chercher, hein. Mais ça prend. J'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? C'est une émission de ouf. Ouais. C'est une émission Noël. On est tous c'est là. Notre petit cadeau. Tous les membres de Jogging Bonito réunis. Hey, salut les amis, yes. Ça va? Salut Rémi. J'ai ramené la chaise qui grince. C'est bon, ça va aller. Ah. Yes. Génial. Bon, alors, ça fait plaisir de vous retrouver tous. Ben, carrément, nous aussi. Dans ce beau pays plein d'amour. J'espère qu'on sera, la France. On sera un peu à l'image de cet amour qu'on voit en ce moment sur BFM TV, etc. Moi, j'aime pas trop. Exactement. La houppette du monsieur quand même, hein. Mais c'est tout. Je ne tendrai pas sur le sujet. Monsieur de la télé, je là, vois, celui je qui vois, parle. Je vois. Vous n'avez pas BFM TV en même temps? Non. D'accord. On rediff. Peut-être qu'il faut donner la date quand même. Oui, on enregistre le 10 décembre. Il est 20h un petit peu passé. Et en ce moment, normalement, il y a une personne un peu connue en France qui est en train de s'adresser à tous les Français pour nous faire de l'ombre. Exactement, je crois qu'il vient d'annoncer sa démission d'ailleurs. Il déclare la guerre aux USA. Une oh, exclusivité immense. Je vais vous laisser alors les gars. Jogging Bonito featuring BFM TV. Ah, c'était ça la surprise de l'épisode 21. Mes chers compatriotes, nous attaquons la Californie. Ah! Ok, bah, je vous attends news. Avec grande impatience. On vient te délivrer en fait. Ok, merci. Ça va faire plaisir. Je vous amènerai sur les trails avec moi. C'est cool. Like that. Ouais, il faut avouer que pour cette émission, on s'est un peu reposé. Hein. On s'est reposé sur les bonitos qui ont fait tout le boulot. Sur les réseaux sociaux, on a demandé à nos chers bonitos de choisir eux-mêmes les thèmes de cet épisode. Donc, vous nous avez soumis des questions. Nous en avons sélectionné quelques-unes et nous allons y répondre tous ensemble. Vous êtes prêts à en découdre? Yes. Yes. C'est parti. Carrément prêt. Pourquoi est-il difficile de bien réfléchir lorsqu'on court vite? Moi, je peux répondre à cette question en premier, puisque c'est certainement moi la personne la plus qualifiée. Certainement. Ça commence très cérébral, donc il faut au moins David pour démarrer. C'est ça. Oui, c'est ce que je pensais. Non, mais moi, j'ai retenu que les grandes pensées viennent en marchant, comme disait Xavier du podcast Comme en passant. Hein, on se souvient dans une émission précédente. Enfin, c'est Nietzsche qui le disait aussi avant, je crois, accessoirement. Et donc, en fait, quand on marche, notre fréquence cardiaque, elle augmente. Donc d'une certaine façon, augmenter notre fréquence cardiaque, ça nous permet de bien réfléchir. Donc après, je sais pas qu'on partage ou pas les positions de Nietzsche. Moi, il semble que il est quand même assez beau gosse pour réfléchir. Mais je crois avoir entendu que Vincent nous parlait de courir vite. Donc courir vite, ça veut dire quoi? Je sais pas. Alors je vais pas m'avancer sur des démonstrations un peu, je sais pas moi, scientifiques. Il y a peut-être des personnes plus qualifiées que moi en vérité. Ding ding Rémi, peut-être. Ouais. Et en fait, j'en profite pour dire que je suis toujours en ce moment en train de travailler le produit en croix, hein, que ah oui, Myriam. Ouais, bah ouais. Myriam. Ça fait quelques épisodes déjà que tu y es dessus. Ça fait quelques épisodes. Mm-hmm. Il me faut le temps, tu sais. Et donc, nos bonitos, je pense en particulier à Myriam. Elle m'a fait une explication bien pédagogique et tout ça. Donc on embrasse Myriam, mais je lâche pas l'affaire, t'inquiète pas. Mais moi, ce que je peux quand même ajouter, c'est que hier, moi j'ai fait un test VMA pendant 5 minutes à bloc, 6 minutes à bloc même. Et j'ai réussi à trouver un juste équilibrage entre le taux d'imposition des Français sur les tranches 2-3, tu vois. Ouais. Donc, t'as réfléchi et, en courant vite. Tout à fait. Et en plus, j'ai aussi essayé de trouver le montant moyen, vous savez, de la taxe carbone. Oula. Pour réduire le déficit public, le ramener sous la barre des 3%. J'ai réussi à faire ça. Donc, c'est pas une démonstration scientifique. T'as appelé Macron mais... parce que avant qu'il donne son speech, là, t'aurais pu lui donner quelques astuces. Emmanuel, ajoute-moi sur Twitter. On va redresser le PIB. Je sens que Rémi, là, il a envie de réagir là aussi. Je suis un petit peu déçu de que Vincent Gaudin ait fait cet aveu public là, comme ça. Quand même, il me donnait quand même l'image d'une personne super sur les réseaux sociaux, mais là, c'est quand même un mythe qui s'effondre. Vincent Gaudin ne sait pas réfléchir en marchant, en courant vite. Je suis hyper déçu personnellement. Ouais, peut-être qu'il a remarqué qu'il y a plein de gens autour de lui qui n'y arrivent pas, mais que lui, il y arrive. Hein. C'est juste que. Pardon, je suis un petit peu. Comment dirais-je ? Présomptueux peut-être. Alors moi la vraie question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il demande s'il est difficile de bien réfléchir lorsqu'on court vite? C'est parce qu'il n'arrive pas à réfléchir quand il court vite ou parce qu'il n'a jamais couru vite qu'il ne sait pas? Ah, bonne question. Vincent, tu réponds? On a oublié de l'inviter. On l'appelle. On a encore oublié de l'inviter, Vincent. Et je peux tenter une réponse? Moi, j'ai constaté, hein, c'est dans mon expérience de course à pied, que lorsque j'ai tenté de courir vite, déjà, je n'étais plus capable de regarder le paysage. Donc déjà, on en est très loin en dessous de juste réfléchir. Hein. Je parle même pas de réfléchir, je parle juste de regarder. À tel point que quand je voyais des bonhommes faire des RP et dire « le parcours était magnifique », je rigolais gentiment. Hein, je me suis dit « mais qu'est-ce que t'as vu, mon petit pote ? Parce qu'à part ta fréquence cardiaque qui était pleine balle pendant tout le long, tu vas pas me dire que t'as vu autre chose, que t'as senti autre chose, tu vois. » Donc après, c'est un sentiment que j'ai moi-même. Je ne sais pas, ça se trouve, ces personnes arrivent à la fois à faire des RP et à la fois à apprécier ce qui se passe autour. Mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que plus tu mets dans le dur tes fonctions vitales, plus en fait, tu vas te recentrer dessus. Et donc, tes yeux qui vont apprécier le petit papillon qui vole à côté de ta tête, ils n'en auront plus rien à secouer, finalement. Donc, c'est un semblant d'explication que je tente. Hein. Pour moi, j'arrive non seulement pas à réfléchir quand je cours vite, mais pire encore, j'arrive même pas à regarder autour de moi. Et moi, je vais même te dire que j'arrive même pas à respirer quand je cours vite. Tu vois, c'est pour te dire. Ça pose un souci. Donc, alors là, de regarder et de réfléchir, c'est annexe. Je comprends. Voilà. C'était my two cents. Ouais, ben, okay. Je suis un peu d'accord avec toi aussi hein, quand je cours. Mais moi, ça m'arrange en fait. Parce que, en général, je réfléchis trop. Donc, j'ai trop de trucs dans ma tête et je vais courir. Je pense que mon cerveau doit être moins irrigué. Du coup, je ne peux réfléchir qu'à un seul truc à la fois, donc c'est cool. Moi, ça m'arrange. Ah, tu vois ? Ça te canalise. Exactement, voilà. Ça me canalise. Et tu réfléchis à quoi ? Ah, ça dépend. Mais une seule idée à la fois, tu vois. J'ai plus des trucs parasites qui viennent en même temps, quoi. D'accord. C'est ma méditation en courant. Ça supprime ton multitâche, ça te rend monotâche. Voilà, oh là là. Je deviens un gars. T'imagines ce que c'est de vivre le monotâche au quotidien, du coup ? Mais ouais. C'est ça. Alors... Imagine-nous, hommes, quand on court. Si en temps normal, on arrive à penser qu'à une chose, quand on court... Là, on est foutu. C'est le néant. On pense à plus rien. On pense à plus rien. Ah. Bah, bravo. Hein, il y en a qui mettent pas leur téléphone en mode vibreur. C'est qui ? C'est Rémi. Qui c'est qui a laissé un iPhone 4, là ? On sait pas, c'est Rémi. On a perdu Rémi. Peut-être c'est lui. Hein. Non, je suis là. Rémi reçoit des sextos au calme, il dit rien, il est timide quand on lui demande des comptes, là. Tu vois, il peut pas réfléchir à son sexto et à Jogging Bonito en même temps. Tu sentais qu'il arrivait pas à nous répondre, son cerveau, il était trop ailleurs, tu vois. Et il était pas en train de courir, en plus. Ah, putain. Comment rebondir après une contre-performance ? Moi, je pense qu'il faut dire « je suis désolé, ça arrive à tout le monde ». J'ai cru que la première réponse, ça allait être quelqu'un qui allait tenter la vanne avec un ressort. Personne n'a fait ça, quoi. J'allais la faire. Ah bah voilà, bah si, voilà. Émile, je t'attendais trop là-dessus. Je sais pas où t'étais. Je sais pas où t'étais. Mais allez chercher le meilleur truc. Je pense que Émile l'attendait pour la sortir à la fin, pour que ça ait le meilleur effet possible, mais en priant en même temps pour que personne ne la sorte avant. Ah, ben voilà. Merci Émile. Putain, tu m'as niqué. Je suis désolé. Je viens de couper l'herbe sous les pieds d'Émile. J'ai oublié la question du coup. Ouh là là. Comment rebondir après une contre-performance? Pardon, excusez-moi. En fait, on peut. Enfin, je suis très mal placé pour parler de rebondir après des contre-performances. Enfin, ou quoi que. En fait, je sais pas si mes performances sont des contre-performances. Je suis un petit peu particulier dans le sens où, vu que j'attends jamais trop grand-chose, je peux jamais dire que c'est une contre-perf. Donc, c'est peut-être ça la parade finalement. C'est peut-être de se dire qu'on n'attend rien, et quand on n'attend rien, on peut pas être contre-performant, je suppose. Mais bon, je pense que ça conviendra pas à tous les athlètes. Du coup, je vais m'arrêter là. Ou alors tu fais comme moi, il suffit juste que t'aies le melon énorme et que toutes tes perfs, tu les considères comme une super perf. Très voilà. Bien. Comme ça, il n'y a pas de contre-perf et t'as pas besoin de rebondir derrière. Ne jamais se remettre en question. C'est un way of life, tu vois. Ouais, bah du coup, on n'a pas parlé de rebondir ni toi ni moi au final. On a juste dit comment ne pas considérer la contre-perf. Moi, je suis un peu déçu. Comment esquiver le... Ouais, c'est ça. Exactement. Après, si tu veux rebondir, c'est ton choix. Si tu choisis d'être un loser, c'est pas notre problème, quoi. Voilà, donc nous, on ne rebondit pas vu qu'on ne tombe jamais. Exactement. Cite Émile, voilà. Et qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Ben, on peut voir ça de plein de façons différentes. C'est vrai qu'il y a toujours la possibilité de remettre dans la perspective de toute la population qui a fait la course. Comment est-ce qu'on se classe pour essayer de mieux se comparer par rapport à toute la population qui a fait la course, hein, de prendre le rang de classement et dire à quel pourcentage je suis par rapport à tous les partants. Hein, pour prendre en compte aussi tous ceux qui abandonnent éventuellement sur les courses les plus difficiles, les trails longs où il y a beaucoup d'abandon. Et ça permet quand même de relativiser. Non, mais non. Là, Rémi, on n'est pas dans le comment rebondir, on est dans le comment se trouver des excuses. C'est vrai ou pas? Comment ne pas arrêter de courir après une performance? Comment trouver un moyen de moins mal vivre la contre-perf, ouais, en ne se l'admettant pas directement? Ah, je me suis auto-piégé alors là dans la réponse, c'est ça, j'ai révélé mes... Moi je trouve que là on n'est pas dans le comment rebondir, on est dans le comment fuir ses réalités, ses responsabilités, quoi. Moi j'ai un truc, moi, pour le rebondir après une contre-performance, se poser un autre objectif et puis voilà. Et passer à autre chose. Waouh, simple. C'est beau. C'est simple, c'est beau. C'est simple, c'est beau, mais c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Ah ouais. Oui, ouais, forcément. Ouais. Donc toi, voilà. En gros, ça marche pas du tout. Non, mais plus sérieusement, je pense surtout que la notion de contre-perf, c'est vachement abstrait. C'est-à-dire que tu peux avoir un entraînement hyper précis, une hygiène de vie hyper... Enfin, tu peux tout mettre en place. Il suffit que le jour de la course, t'as un petit pépin et t'auras une contre-perf. Et ça ne remet pas du tout en question le niveau, ça ne remet pas du tout en question les méthodes d'entraînement ou autre. Donc, je pense qu'il ne faut pas se baser sur une course. Il faut faire une moyenne, il faut se tester sur ses entraînements, il faut se tester sur des courses avant la course sur laquelle on va faire une perf, et c'est ça le réel indicateur. Il suffit que le matin, t'aies mangé trop vite, t'aies pris un coup de froid, t'es machin, t'es sûr que tu fasses t'es sûr que tu vas faire une contre-perf, quoi. Mais il faudrait du coup, essayer de comprendre déjà pourquoi on a fait une contre-performance, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Sans se chercher d'excuses, ouais, sans chercher d'excuses, effectivement, mais ouais. Mais après, est-ce que c'est vraiment important? C'est parce que voilà, la probabilité de faire une performance sur une course, sur une journée, sur un laps de temps de 2 heures, il faut vraiment que tous les éléments soient avec toi. Ouais, quoi. C'est un peu ce qu'on cherche quand même, non? Enfin, oui. Pour une partie d'athlétos, en tout cas. Oui. Bien sûr, mais le vrai truc, c'est que quand tu fais une contre-perf, je pense que tu ne démérites pas si tu as mis en place tout ce qu'il fallait pour réaliser cette perf. Ah oui, mais voilà. L'essence de la compétition, c'est le jour de la course. On est d'accord. Non, mais sérieusement, enfin, là, je vous entends parler depuis tout à l'heure, mais Enfin, s'il y a bien un expert, quelqu'un qui peut parler de contre-performance, c'est bien ma spécialité, c'est bien moi, quoi, je veux dire. Hein, ça fait bien, ça fait bien 3-4 ans que j'ai fait mes preuves. T'as déjà fait une performance, David, s'il te plaît? Ne m'emmène pas dans un débat. Non. Moi, je pense que chaque épisode de Jogging Bonito est une performance, les amis, moi, depuis que j'écoute. C'est vrai. Mais bon, fait quand même 3-4 années que j'expérimente bien ce phénomène. Mais moi, je pense que c'est comme quand tu prends un râteau, en fait. Tu penses que tu pourras plus jamais accoster une fille, lui dévoiler tes sentiments, ou tu pourras jamais plus tomber amoureux, quoi. Tu t'enfermes chez toi, t'as la honte, quoi, t'as le seum. Tu t'écoutes des best-of d'Aerosmith, tu relis, je sais pas, Germinal, tu fais plus la vaisselle chez toi, tu te laisses complètement aller, tu manges des curlis au lieu de manger des tucs, moi, je sais pas. Puis bien, on avait dit qu'on rendait pas ma vie publique, David. Pardon. Un beau jour, tu regardes par la fenêtre et puis t'aperçois les oiseaux, l'œil rieur des oiseaux au bord de la fenêtre. Ouais, tu vois, c'est le printemps sur ta vie. Tu te mets écouter Mozart, la flûte magique, et tu sors. Et Maître Gims. Et Maître Gims. Exactement. Et Maître Gims. Et ben justement, ouais, tu descends avec tes écouteurs, Maître Gims dans les oreilles, tu te sens fort. T'enfiles ton plus beau collant de compression, tes belles lunettes de soleil de Maître Gims. Ouais. Et puis bah t'as de nouveau envie de plaire, quoi, c'est les petites fleurs. Et puis moi, je pense que t'as pas le choix, en fait, faut laisser le temps faire son œuvre, réfléchir, laisser passer la tempête, et puis je sais pas, là, retrouver doucement l'envie d'y retourner. Ça fait partie d'un processus de sportif, quoi. Et après, tu retrouves l'envie de déplacer les montagnes, quoi. Oh, c'est beau. Et c'est beau, et c'est la seule vraie réponse à la question qu'on a eue. Hein, parce C'est notable. C'est vrai. Notable, hein, parce que, bon. Ça nous a coûté d'écouter Maître Gims, quand même. Hein. C'est ça, ouais. Aussi ouais, bizarre ouais, que la réponse puisse paraître. Tout ce que vous direz, de toute façon, là, tout est coupé, on s'en fout. Non, ce ne sera pas coupé. Remarque, excuse-moi si je me permets de noter quand même que l'instinct de tous, ça a été de ne pas admettre la contre-perf avant que quelqu'un trouve une vraie réponse. Ouais, sauf moi quand même. Ouais, c'est ça. Vous les gars, ouais. C'est pas ça. Nous. Hein. C'est vrai. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, c'est... C'est comme ça. C'est ça, on dit donc. Ça se passe comment pour passer du marathon bitume et petit trail à l'ultra trail? Eh bien, c'est très simple, s'entraîner plus. Voilà. Merci, next question. Non, vu que c'est juste la distance, j'ai envie de dire du marathon bitume, pour passer déjà du marathon bitume à petit trail, il n'y a pas un réel effort à faire. Limite, je pense que les marathoniens vont trouver ça plus facile. Rien que le fait que psychologiquement, ils s'autorisent à marcher, ce qui n'est pas le cas sur un marathon bitume. Et que les distances des petits trails, souvent, c'est 30 km ou 25, donc face à un marathon, c'est pas vraiment dur. Oh, je suis trop, pas d'accord. Oh là là, vas-y, je te laisse finir, mais ça va partir en live. Mais je te laisse finir, mais tu vas te faire niquer après, quoi. Franchement, ça va. Je prends ma batte de baseball, je plonge des clous dedans, là. Vas-y, enfonce-toi bien, Émile. Passer à l'ultra, par contre, c'est un réel exercice difficile, avec des entraînements, avec des plans, avec vraiment la connaissance de la course et notamment les horaires de barrière horaire. Ça part en flèche. Elle a été facile. Elle était évidente. Non, mais plus sérieusement, moi, pour être passé jamais de marathon bitume, parce que j'ai jamais fait la distance marathon en compétition sur bitume, mais pour avoir fait des semi-bitumes, j'ai eu zéro problème à passer sur du trail de 20 jusqu'à 40 km. Okay. J'ai jamais fait plus. Mm-hmm. Ouais, si, j'ai dû faire 55 autres, mais ça m'a pas demandé de m'entraîner plus, ça m'a pas demandé, alors peut-être que ça correspondait plus à mon profil de coureur que des courses bitumes. Voilà, après je parle pour moi, Émir, peut-être que t'as une autre vision de la chose. Je pense vraiment que, déjà la question traduit en fait l'envie peut-être de la personne qui pose la question de passer de marathon bitume à du trail, en fait. Mais pour moi, l'exercice mental, il est énorme. Là où tu dis, c'est facile, en gros, parce que le marathonien, il a déjà fait, entre guillemets, plus dur, un effort plus intense, plus constant. Tu évalues la facilité de l'effort en disant, ça va être plus facile pour lui de passer sur un petit trail. Mais peut-être que dans l'absolu, l'effort sera plus simple, mais déjà, il y a nombre de personnes avec qui je discute qui sont bitumes et purement bitumes, et tu les mets pas sur autre chose que du bitume, parce que mentalement, ils ont pas envie d'avoir autre chose qu'un terrain tout tracé pour leur course, en fait. Donc déjà, t'as quand même ça à surmonter, t'as le fait de le changement de terrain, ça, on est d'accord. Il est déjà, mentalement, faut déjà l'envisager. Et en plus de cette première chose, t'as aussi le fait que peu importe la distance, au final, si le mec c'est un compétiteur sur marathon bitume, il va chercher à donner le meilleur de lui-même, pareil sur ce petit trail aussi, et du coup, il va se heurter à ses limites à lui sur cette discipline, et il va se heurter aussi, du coup, enfin, il aura une difficulté dans l'effort au niveau cardio, bien sûr, mais aussi, il verra que, musculairement, c'est pas la même préparation qu'il faut pour faire un trail pleine balle versus faire un marathon bitume, quoi. Donc en fait, t'es en train de me dire qu'il se peut qu'il rebondisse suite à une contre-performance au marathon bitume en se reportant sur un petit trail. Sauf s'il se ment à lui-même, au final. S'il n'admet pas la chose. Il faut pas trop réfléchir, en tout cas. Quand ça va se passer, il faut pas trop réfléchir. Ouais, ou sinon ça. Ou sinon, tu fais comme Rémi, tu t'inscris, tu prends un dossard, et puis après, tu regardes comment ça se passe. Mais c'est la meilleure des choses, ça. Je pense que vraiment, c'est la meilleure des choses, ne pas se poser de questions. L'insouciance ? L'apologie de l'insouciance, donc ? L'apologie de la conscience. De l'insouciance. Moi je pensais à ça aussi, Émile. Enfin, dans le sens. Parce que la question, je pense qu'elle était quand même tournée de dire de passer du marathon bitume petit trail à un truc énorme comme l'ultra trail. C'était ça la vraie question. Mince. Du coup, je fais un hors sujet tellement énorme. Non, bah, enfin, c'est intéressant quand même. Mais, On l'a pas osé te couper, Émile. C'est trop de respect. Trop de respect pour la MIF. Ah, d'accord. Bon, bah. Non, d'accord. Mais moi, je pense que pour passer de l'ultra trail, il faut aussi un petit peu d'insouciance quand même. Se dire, j'y vais, je... Parce que si on réfléchit au truc dans sa globalité, ça donne la trouille, quoi. On a la trouille d'y aller, quoi. Ouais, donc, il faut un folie, petit peu la juste se lancer. Moteur. Bah ouais, oui, aussi. Ou alors, un showstopper, comme on dit dans le milieu aussi. Showstopper, ouais. Après, Emir, tu peux faire une deuxième partie de réponse. Toi qui es passé de petit trail à de l'ultra trail, je pense que tu es la meilleure personne pour en parler quand vraiment. Quand on me réexplique la question qui pourtant était claire, effectivement, je peux répondre. Effectivement, bah oui, tout à fait. En fait, comment ça se passe? Comme dit Margie, moi, on mise énormément avec Carole sur l'insouciance. Je pense que voilà, tu évalues le moins possible la complexité et les choses qui vont te faire penser que c'est impossible, parce que plus tu réfléchis à ce genre de choses, plus tu théorises sur le machin, plus tu vois l'infinité de possibilités que ça merde sur des dizaines d'heures. Si tu commences à essayer de mettre une réflexion rationnelle sur ton inscription, je pense que c'est un peu mal barré. Dans le sens où tu vas vite te rendre compte que tu connais rien de toi au final sur ce genre d'épreuve, et que même si tu te connais sur, je sais pas, 3 dizaines d'heures, et ben les 3 dizaines d'heures que tu vas recommencer avec des variables corporelles physiologiques différentes, et ben ton corps réagira pas de la même manière, en fait. Et du coup, je pense qu'il faut juste pas théoriser à un moment donné. Si tu veux le faire, tente-le, quoi. Faut juste le tenter en mode je m'inscris. Après, évidemment, il y a une partie non négligeable de préparation physique, de volume et éventuellement de préparation musculaire en faisant de la côte si jamais l'ultra est un ultra à fort dénivelé. J'ai cru que t'allais dire de la PPG pour Rémi Jupp. Non, j'allais pas tenter ça. Mais pourquoi pas, finalement, la PPG? En gros, du moment qu'il y a de la préparation physique qui suit l'objectif de la personne, l'objectif de vitesse, après, voilà, si c'est juste du finish, hein, que c'est juste faire du volume et un petit peu de côte, essayer de mettre les chances de son côté pour bien vivre la chose. Maintenant, ne pas attendre d'être prêt. Je pense que ça sert, en fonction des personnes, ça sert à rien d'attendre d'être prêt, je pense. Parce qu'être prêt, c'est reculer jusqu'à indéfiniment. Tu pourras jamais vraiment te dire « ça y est, je suis prêt, ça y est, j'ai tout fait, ça y est, ça va bien se passer ». Non, non, voilà. Je crois que j'ai répondu à peu près un peu plus dans... Et j'arrive pas à parler français au final, donc je sais pas si c'était clair. C'était clair. Si, très clair. Merci, ça me va. Rémi, tu veux rajouter quelque chose sur la question-là ou... Hope is not a plan. Yes, it is, my man. It is a plan. No. You gotta be crazy, my man. Let me explain you the life. Ok, go. Non, non, je pense que... Moi, j'ai eu une vision personnelle tout à fait différente de l'ultra, qui est que comme de toute manière, ça va être une course où il faut de la patience, et ben j'ai matérialisé ça dans la patience pour accéder aussi à l'ultra trail. Ouais, c'est pas mal ça. Je pense que cette espèce c'est le projet d'une vie. Voilà. Cette espèce de société de consommation consumériste ultra, tout de suite dans la seconde génération Snapchat, là. Tout de suite l'extrême gauche. Voilà. Et ben, non, mais je pense vraiment qu'il faut savoir se donner, au contraire, du temps et bien mûrir le projet, et que ça peut être d'autant plus agréable de vraiment y aller au bout de 2-3 ans. De pratiques déjà avancées avant d'aller se confronter à des courses qui vont durer plus de 12 heures, quoi, j'ai envie de dire. Parce que sinon, on risque de s'écœurer, quoi. Enfin... Alors, ouais, je te rejoins sur ce point. C'est possible. En faisant trop, on peut s'écœurer. Très juste, je suis d'accord. En revanche, je peux pas dire que tout le monde est fait pour attendre aussi longtemps. Et puis surtout, quand tu attends 10 000 ans, tu sacralises tellement le machin que le jour où c'est un fail, tu te défenestres. Alors que mais fail is not an option. Do it. T'as trop regardé Instagram. C'est sûr qu'après, Rémi, tu peux regarder le classement relatif de l'ultra et ne pas admettre ton échec. On est d'accord, oui, tout à fait. On a compris ta technique. Que comme moi, il y a à peu près la moitié qui abandonne et que je finis dans la première moitié, ça me va. T'es bien. Non, mais moi, j'ai vraiment attendu longtemps. Et puis, on est quand même aidé par toutes ces courses à points ou toute manière. Entre je loupe le tirage au sort, une année, il me manque des points, machin truc. Ouais, non, mais là, tu parles que de l'UTMB, Rémi. Il y a quasiment rien d'autre qui répond au schéma. Non, bien sûr, mais combien de personnes combien de personnes rêvent de ces courses? Mais plein, surtout quand on débute. C'est les trucs qu'on a dans le jogging international. Moi, je me souviens d'un jogging international que j'ai acheté, c'était la Saint-Élion. Je sais pas, l'effet marketing, l'histoire, comment c'était raconté dans le magazine, les photos, tout ça, j'ai été impressionné, ça m'a donné envie, et après... Enfin, tu vois, c'est les courses un peu mythiques, c'est quand même celles qui ressortent le plus quand on parle d'ultra. Enfin, en tout cas, j'ai envie de dire statistiquement, quoi. Les gens, ils ont envie d'aller sur ces trucs-là. Et rien que ça, il faut attendre collectionner les points et de passer au tirage au sort. Donc, on peut déjà se préparer à attendre, je pense. Bah, franchement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Si en plein milieu de l'année, tu veux faire un ultra dans un mois, tu mets 70€ sur la table et ça y est. T'as pas besoin, en fait. C'est pas systématiquement imposé le fait de devoir avoir le voyage dont t'es en train de parler. C'est valable pour l'UTMB complètement. C'est pas valable pour n'importe quel ultra qu'au final tu peux t'acheter sans même le moindre justificatif de performance. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Mais alors, pour me remettre dans la perspective sportive plus générale, moi je crois qu'on doit quand même. Laisser du temps pour avoir des adaptations, pour comprendre le sport dans lequel on évolue, même si on se cultive à fond, qu'il y a plein de renseignements. Finalement, il y a tellement de volume d'informations aussi que pour en faire le tri, trouver le signal sur bruit dans les infos, ben finalement, rien de tel que de passer à la moulinette du temps, à l'épreuve du temps, tous les trucs à essayer, les erreurs à faire pour s'en souvenir et ça se fait qu'avec plusieurs compètes et du temps, je trouve, moi. Mais... Ouais, plusieurs compètes, ouais, complètement. Pour moi, le meilleur moyen de faire le truc, c'est de... David, là, sur la question. C'est vrai. Parce qu'on monopolise le mic. Et sur la question, j'aurais peut-être pas énormément de choses à dire, parce que énormément de choses ont été dites jusqu'ici sur ce sujet. Par contre, juste une petite parenthèse, je peux vous dire comment j'ai connu la Saint-Élion? Non. Rémi parlait de la Saint-Élion. Ouais. En fait, j'ai cherché sur Google, sur Google Images des images de coureurs, de trailers ringards. Oh. Tu peux pas associer ça sans se rattraper et faire un gros bisou à notre Greg expert Saint-Élion qu'on aime tous. Ah oui, Greg Molinaro, avec plaisir, franchement, ouais. Avec plaisir. Et puis à tous ceux qui participent, je pense à Julien, Greg, tout voilà. Ça. Voilà. que disais-je? Oui, donc en tapant Google, coureur ringard dans Google Images, je suis tombé sur des coureurs de la Saint-Élion. Ça m'a fait marrer. Et puis après, ça m'a interpellé un peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à l'ancienne, là, sur la glace, en train de courir? Ils étaient tout bizarres. Vous savez, avec des caches oreilles sur la tête et tout. C'est trop bizarre, avec des joggings vraiment. Hype, old school. Old school, enfin hype en 80 quoi, en 70 quoi. Et puis là, ben j'ai chopé quelques images, puis ça m'a donné envie de me documenter sur cette course. Et ça devait être en 2012, un truc comme ça. Et du coup, je me suis inscrit quoi. Voilà l'anecdote. Merci David. Les ringards. Moi, ça me fait le contraire. Moi, quand c'est trop marcoté, je veux pas y aller. Je vais de l'autre côté. Je vais dans l'autre sens. Je comprends. Je comprends très très bien cela. Moi, c'est l'inverse. toi, tu vas, Emile. Plus il y a du marketing, Emile, et plus il y a des cadeaux. Le soldat du capitalisme. Bah attends, il y a ça. Après, je fais une photo Instagram. Tout ce que vient de dire Emile, je mets des hashtags devant. J'ai des followers de mort. C'est un truc de fou. Et après, il se fait insulter. Et après, je me fais insulter. Il se fait ouais, t'as pas l'esprit trail. Voilà, c'est ça. T'as pas l'esprit trail. T'as couru avec une ceinture pectorale. C'est la honte, machin. Voilà quoi. Mais en même temps. La vie fabuleuse du running sur Instagram. Exactement. Quel challenge running vous fait rêver? La première course de mes enfants. Oh, c'est joli ça. Oh le mec. C'est mignon. Ça arrivera? Non mais j'en sais rien. Et je veux pas spécialement les pousser à courir, mais. On peut toujours, prendre une opportunité, là, pour le coup, et complètement à l'inverse de ce qu'on vient de dire sur l'Ultra Trail, c'est-à-dire une course de village, n'importe quoi, en vacances, une corrida avec des vachettes, hop, on les lance dans l'arène et ils courent. C'est, voilà, quoi, ça marche. Interville. non, mais ça me ferait bien kiffer, quand même, de les voir se défouler et courir à fond. Là. De les voir en chier. Ouais, c'est mignon, ça. Bon, moi, c'est, ça va être moins mignon, moi, mais bon, enfin, c'est pour moi. C'est plus égoïste. Moi, ce serait repartir en Nouvelle-Zélande et courir dans le Abel Tasman National Park où j'avais marché. Et, tes souhaits. À l'époque, je ne courais pas. Abel Tasman National Park. Abel Tasman ouais, tu peux le répéter. National Park. Okay. En Nouvelle-Zélande. Abel Tasman National Park. Dans l'île du Sud. Ok. Où j'aimerais pouvoir retourner et là je ferai le trail. Il y a un trail de plusieurs jours en randonnée, je le ferai en courant. Ça me plairait beaucoup. Wow. Moi j'ai des bons souvenirs à Ola. Je pourrais t'emmener aussi. au parc d'Ola. Moi je me suis perdu à Olin. David est au courant. En pleine nuit. Enfin bref, moi il y a la 1000 kills qui me fait de l'œil. Vous connaissez? C'est une course qui se déroule de Saint-Malo à. 1000 kills way? 1000 kills way? Et ouais, c'est une course qui se déroule de Saint-Malo à 7. Ils viennent de comprendre. Excusez-moi si je peux me permettre. Ça s'appelle la latence d'Internet, hein. Pardon. Ouais, j'ai rien suivi là. Non, ça s'appelle pas la latence d'Internet, ça s'appelle une vanne nulle. Oui, la 1000 kills, mardi, Emile proposait la vanne suivante, 1000 kills way. Tu vois. Ok, alright. Voilà. Et puis donc ouais, il y a la 1000 kills qui me fait de l'œil comme je disais. Elle se déroule de Saint-Malo à 7. Et je crois qu'elle a pas forcément lieu tous les ans. Mais bon, c'est Saint-Malo à 7. De Saint-Malo à 7. Ouais, 1000 kills, 1000 km. Ah d'accord. C'est en équipe ? C'est pas en équipe. C'est pas en équipe. Après il y a peut-être des épreuves un peu comme ça parallèles. Non, le but c'est vraiment en solo. Mais la vanne, c'était à 7, la vanne. C'est... Oui, mais oui, bah, joli, merci Emile. Oh là là, les mecs, putain. Non, je me suis fait avoir. Passer à côté. Bref. De la vanne. Oh là là, c'est dommage. Passer à côté. En équipe de 7. Excusez-moi. Donc de la course à 7. Et donc c'est une course, ouais, elle dure 12 jours. Enfin, on a 12 jours pour relier... 7 à 3. By all means necessary, je crois. Non, pas 3. Après 7, tu peux repartir à 3, effectivement, si tu as envie. Voilà, pour faire les soldes. Donc ça fait 12 jours, 288 heures. Cool, exactement. Ça, ouais. C'est ce qu'ils mettent dans le règlement. Et ouais, ça a l'air cool, c'est bien. Moi, je suis assez attiré par ce genre de défi que tu fais pas seul, en fait. Même si tu fais un peu seul, enfin, tu vois pas beaucoup de monde autour de toi en termes de coureurs. Mm-hmm. Parce que généralement, c'est une poignée de coureurs qui participent à ce défi. Je crois qu'ils sont 10. Hein. Ouais, c'est une 10, dizaine. Ouais, c'est vrai, voilà. C'est une dizaine de coureurs. Ouais. Et, mais tu vas avec, soit avec des copains, avec quelqu'un de ton entourage, en camping-car. Avec des gens. Ouais, t'as une, avec qui tu veux te fâcher, quoi. T'as une crew qui te suit derrière, quoi. Comment ça? Ça marche, il y a une trace à suivre, il y a des points, des checkpoints. Ouais, je pense qu'il y a une trace à suivre en fait. Mais t'es peut-être suivi avec un petit GPS avec toi, je pense, mais ouais. je sais plus exactement. Une balise, un truc. Ouais, t'as une balise. Je pense que t'as juste le tracé sur une carte. Je sais même pas s'il y a un GPX, mais ouais. En tout cas, l'organe ne fournit pas d'équipement particulier pour ça. Non. Bon bah voilà, tu t'es renseigné sans doute. Mais en tout cas, ouais, t'as un tracé, tu respectes ce tracé en gros. Et moi, j'ai commencé à en parler à quelqu'un de mon entourage et c'est un projet, ben pour le coup, qui se dessine sur plusieurs années quoi. Enfin mm-hmm. voilà. Et puis ben quand tu vois la moyenne d'âge des participants, elle me laisse penser que il serait bon d'aller chercher un peu d'expérience entre temps, continuer à travailler la course de fond, l'ultra, et après s'y risquer, quoi. Ouais. S'y risquer. Ça va être trop sympa, ça. Ouais. J'ai bien aimé l'idée de Rémi, la course des enfants. C'est ouais. Très sympa. J'ai essayé ça récemment et je hurle. C'est intolérable, quoi. T'es le crazy dad tout, sur le côté, quoi, c'est ça? Mais c'est bien, ouais, voilà. Faut encourager fort, faut pas faire un... Ouais. Et ça, faut s'investir dans le truc. Tu as raison d'hurler. Mais oui, voilà. Oui, oui, à fond. Double-le, fais-lui un croche-pied. Voilà, comme ça, quoi. C'est super. Emir, t'as un challenge running qui te fait rêver? Moi, juste avant de répondre, je rebondis sur un tout petit truc de David par rapport à la 1000 kills. C'était la question 2. Rebondir sur les trucs de David, c'était la question. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais. Sur les contre-perfs. On ne parle pas de contre-perfs pour le moment, enfin, on y retourne pas. C'était plus par rapport à la 1000 kills, vu que je côtoie quand même des gens qui l'ont faite. Parce ouais. que, comme tu le sais certainement, David, vu que tu me connais, y a plein de gens que je croise sur pas mal d'épreuves dans l'année qui font des trucs absolument de taré, du genre des 6 jours, des marathons, du 10 marathons en 5 jours, ou ce genre de choses. Enfin, des gens qui font des choses un petit peu sympas, et c'est toujours les mêmes que tu trouves sur ces épreuves de fou, comme ça, notamment la 1000 kills. Bref, et du coup, la plupart des participants voyagent avec une caravane conduite par de leurs proches. C'est ça, camping-car. Du coup, un camping-car. Mmh. Mais la légende raconte qu'il y a l'un d'eux, j'ai oublié son nom, qui l'aurait fait tout seul avec une brouette qui transportait chaque jour pour son stuff. Ouais, c'est Bruno. Il s'appelle. Tu le connais donc. Non, je sais pas qui c'est. C'était une blague, je crois, mais je l'ai pas compris. Ça. Ouais, bah Bruno Brouette. Attends, je cherche la brouette Bruno. Bruno la brouette. Il y a pas de vanne. Mince, tu nous as perdu, Émile. Bref, ok. Donc ceci étant dit, Oui, non, mais si, il y a vraiment un mec qui a fait le tracé avec une brouette et c'était pour une association parce que son père était malade et c'était pour promouvoir l'association de recherche pour la maladie de son père. Ok. Merci pour le point culture. Et ça, voilà. C'est pas une vanne. Ok. Voilà. Et bon, bah, pour répondre à la question, je vais le faire en trois mots. Marathon du Machu Picchu. Ah, oh, waouh, ouais. Au Pérou. Tu me dis, hein, quand tu y vas, hein, je viendrai, je prendrai un avion. Je te tiens au courant. Je mettrai ça ouais. sur l'agenda des lapins running. Disponible sur Internet. Ça a lieu quand? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il existe, à vrai dire. D'accord. Bah, on peut se le faire, on peut, okay. On peut le faire soi-même. Quoi. Oui. On n'est pas obligé d'avoir un... Voilà. Ouais. Enfin, quitte à se faire un marathon comme ça, autant le faire chez soi. Quoi. C'est moins galère que d'aller au Machu Picchu. Parce qu'avec l'altitude, tout ça, c'est un peu galère. Hein. Ça, c'est le... Je voulais faire le marathon du Machu Picchu, mais c'était galère. Du coup, je suis allé courir à côté de chez moi 10 km. Voilà. C'est ça. Ah bah, Sevran. J'ai fait le marathon de Sevran. Écoute, c'est très bien aussi. Il y a un peu moins de Péruviens, mais c'est pas mal. C'est pas mal. En effet. Émile, oh. peut-être. Ouais. Quel challenge running vous fait rêver? Bah, plein, en fait. je sais pas comment dire, des ultras, des marathons mythiques. Il n'y en a pas un marathon mythique que tu veux faire ou... Moi, vraiment, ce qui me ferait rêver, et là, je vais vous dire sans machin, ça serait de faire le 100 km de Steenwerk en duo avec David. Ah, oh, mais ça, c'est un rêve accessible, j'en suis sûr. Parce que je l'ai toujours accompagné en vélo, j'ai tellement eu mal au cul, je me dis que c'est moins galère de courir que d'être sur le vélo. Et ben voilà. Donc ça serait mon rêve. L'invitation est lancée. Voilà. Ou alors que David fasse du vélo et me suive, et que je puisse le pourrir comme il me pourrissait. C'est ça. Écoute, bah fin mai, c'est parti. Ouais, je serais pas prêt fin mai. Non, fin mai 2020. Alors, c'est bon ? Engagement pris ? Challenge accepted ? Je te dis ça dans en 2020. Quoi ? Mais quoi ? Ouais. Donc tu fais ça et tu recules ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais sans borne, je sais même pas si je suis capable. Mais on s'en fout, on s'en fout. Personne ne sait souvent. Mais oui, mais un peu de folie, c'est bon. Oh là là. C'est bon, tu vas le faire. Après, je suis sur une bonne progression. Tu vois, hier, j'ai réussi à courir 2 km sans m'arrêter. Si à chaque fois j'augmente jusqu'en 2020, les 100 bornes, c'est faisable. Ouais. Ouais. Non ? J'ai fait 5 minutes sur 1 km. Si je fais ça fois 100, ça me donne mon temps aux 100 Très km. Bien. Donc, tu n'as même pas besoin de le faire finalement. Tu sais, tu sais déjà ton temps. Exactement. Et je pense qu'on est écouté. Et il y a peut-être les centaines de milliers de personnes qui nous écoutent peuvent voilà, enfin ils auront noté ton engagement là. J'ai cru que t'allais la question dire... c'était quand. Pardon, je te laisse Rémi. Je dis bah comme la question c'est quel challenge vous fait rêver, rien ne t'empêche de le faire dans ta tête aussi Emile. Ça c'est tous les soirs tu t'entraînes un peu dans ta tête. Et ça te fait rêver. C'est pas bête. Non mais c'est quand même, il y a du vrai dans ce que je dis. Réfléchissez-y. Ouais. Non mais blague à part, ouais, en 2020, si je suis encore en forme, si tous les astres font que je puisse le faire, ouais, je le ferai bien avec David, avec d'autres hein, bien sûr. Mais avec David. David, tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Je signe pour tout. Rendez-vous surtout pris. Surtout avec Emile, il y a pas de problème. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on devait faire un marathon ensemble qu'on n'a pas fait. Qu'il y a peut-être moyen. Je prends pas trop de risques. Et puis, il n'y a pas plus formule de désistement que si tous les astres sont alignés, je ferai, quoi. Voilà. C'est ça. Et une fois que j'aurai fini le 100 km de Steenwerk avec David, je ferai l'UTMB avec Emile et avec Et tu seras en charge des barrières en verre, toi. Voilà, et l'Iron Man de Roth avec Rémi. Pas de problème. Et avec moi, rien, quoi. Merci, ça fait plaisir. Bah si, on peut faire la course à l'échalote. Oh bah merci, je peux penser à ça. C'est sympa. Mais non, je ne sais pas, mais je sais pas quelle course t'as. Non, mais je sais pas ce que tu as couru. Il est foutu, Rémi. Mais c'est vrai que... En plus, l'échalote, là, t'es en train de m'insulter, parce que parle-moi d'Airos de l'Autrec. Là, ok, on discute, mais l'échalote, s'il te plaît, arrête. Il n'y a pas l'échalote à Carcassonne ? Non, mais là, moi, je suis de l'Autrec, l'Airos de l'Autrec, voyons. Et la course à l'ail fumé à Arleux. Ben voilà. Quoi ? Ouais. Ça y est, on va faire ça. Pourquoi les projets off en trail ont-ils le vent en poupe ? Ben moi, je pense que les gens cherchent à plus retrouver l'essence de la course à pied. Ouais, ben oui, je pense. L'authenticité de la course à pied. Et puis, ouais, se lancer des défis seuls. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir une organisation autour. Moi, je suis un petit peu comme ça. J'aime bien me faire des fois des week-ends et puis aller courir... On prend la tente et on campe et on va courir et on n'a pas besoin que ce soit une course et c'est aussi bien, quoi. Moi, j'ai un autre avis sur ça. Et moi, je pense que notamment les week-ends entre potes chez les pros sur les projets off en trail, il y a plusieurs avantages. C'est que c'est grassement payé par les sponsors. Donc ça fait c'est vrai. Fait des revenus non négligeables parce que les mecs se prennent en photo avec GoPro, avec Salomon, avec tout ça. Et en plus de ça, il n'y a pas la promesse d'une performance ou l'obligation d'une performance ou de gagner ou de faire un classement. Donc zéro stress, zéro pression. Les finances qui rentrent, voilà. Et puis en plus, ils passent un bon moment. Donc je pense que c'est pour ça que de plus en plus, il y a des projets off en trial et que ça se reproduit de plus en plus. Tout le monde est gagnant. Et tu crois que ça a été lancé à la base Bah. C'est devenu de plus en plus... Fréquent. Fréquent, ouais, à cause du fait que... Chez les pros, enfin, moi, c'est ma vision de la chose, hein. Je peux peut-être me tromper, mais c'est vrai que c'est un moyen de communication énorme. Quand tu vois des mecs, tu vois sur les grosses courses, qui ont fait des perfs, qui ont gagné, tout ça, là, ils partent entre potes, ils font les cons, machin, ils courent, ils font des belles images, ils se prennent en photo, il y a les petits placements produits, il y a tout ça. Ah, je suis déçue, là. T'as raison, hein, peut-être. Moi, je suis déçue. Moi, j'aimais bien voir ces gens, justement, notamment Scott Jurek, je sais pas si... Vous aviez entendu dire là, qu'il a fait, il y a un petit moment, il y a 3 ans, le Appalachian Trail. Et il est parti comme ça tout seul, tout seul. Bon, et bien évidemment, il a les sponsors derrière, on est d'accord. Hein. Puis là, t'as raison, après derrière, il a fait un livre dessus et tout, mais bon, je sais pas. Moi, j'aimais bien le côté authentique de la chose, quoi, partir seul et faire son truc, quoi. Mais bon. Alors, mon truc, c'est que si c'était vraiment authentique seul, il ne communiquerait pas dessus. Ouais. Mm-hmm. Oh, tu me viens de casser mon rêve, là. Non, mais... Un peu comme Émile, moi, j'observe que près de chez moi, les offs sont organisés, entre autres, par les magasins de running. Donc, je pense que dans la série... récupération, c'est un peu moche de dire ça, mais que... Bah, non, mais si. Ouais, après, ils le font peut-être pour l'amour du sport. Hein, c'est sympa, dans ce cas-là. Je pense qu'il y a quand même du vrai. C'est pas... pas avoir le mal forcément à chaque fois et les mecs qui le font entre eux, j'espère aussi qu'ils se marrent et puis en plus il y a des sponsors c'est comme ça hein, c'est leur métier en même temps hein, donc c'est bien pratique aussi d'avoir les sponsors pour justement pouvoir se financer ce genre d'aventure quoi. Enfin moi je me souviens avoir fait un off dans la région organisé par le magasin de Lille Off Course, c'était sympa, ils nous avaient fait un ravito. C'est l'occasion de parler en plus petit groupe sur un terrain que je connaissais pas. Moi, j'avais bien apprécié et ils ont pas essayé de me vendre une paire de baskets à la fin. C'était ok, il y a du travail de com, d'image, mais c'était du soft power. Ouais, c'est du soft power, mais c'est vrai, c'est peut-être subversif, mais j'ai accepté et j'en étais conscient en tout cas. Après, une autre partie de la réponse, c'est le prix des courses, ma bonne dame. Hein, c'est voilà. Bonne dame. Tout à fait. Ça, c'est évident. Hein, c'est quand même pas compliqué d'aller sur un GR. Moi, j'ai fait comme ça le GR20 avec des super potes. C'est un de mes meilleurs souvenirs de vacances. Ah, tu l'as fait ? Oh, punaise, ça va être cool, ça. Ah, c'était top. On a pas couru beaucoup, hein, parce que vu la difficulté du GR20... On a essayé d'être au plus léger possible, exprès pour... on avait quand même l'objectif de courroter. C'était trop bien, quoi. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Et on a fait complètement à l'arrache. On improvisait chaque jour. Où est-ce qu'on allait? Bref, c'était top. C'était vous qui l'aviez organisé. Parce qu'en fait, peut-être que j'ai pas bien compris la question, mais il y a des projets off qui sont organisés, en fait, c'est ça? Parce que moi, quand je pense à un projet off, je pense des trucs que moi, j'organise toute seule, quoi. Et je vais toute seule. Non, mais c'est surtout ça, en fait. C'est souvent ça quand même, quoi. Chez les amateurs, oui, mais chez les pros, c'est jamais... Je pense qu'on est tous pareils. Quand nous, on se fait un projet off entre copains, on communique pas dessus, on ne prend pas 150 000 photos, on ne met pas en avant les chaussures, Oui, mais ça n'a pas grand intérêt, parce que le but, c'est justement de se ressourcer, de passer un moment au calme avec ses potes, voilà. Ouais. Non, mais après, il y a des gens qui aiment dealer ça sur les réseaux, c'est autre chose, quoi. Bon. Et j'ai encore un volet dans la réponse, et c'est... moi, quand j'avais envie de faire du trail, franchement, ça m'a écœuré l'accessibilité aux courses autour du Mont-Blanc, quoi. Et j'avais quand même envie de découvrir les parcours, et j'ai fait les trois quarts à peu près de l'UTMB en off, sur plusieurs années, faire un tronçon CCC, un tronçon plutôt vers la TDS, donc dans l'autre sens. Et c'était super sympa. Et là, c'était organisé par une boîte qui faisait des voyages sportifs, mais c'était aussi cool et quand même organisé. Donc, il y a toujours plein de... Il y a toute une palette de choses en dehors de la compète. Et après, sur la question de dire vent en poupe ou pas vent en poupe, j'aimerais dire, le vieux Gérard, l'ami d'Emir qui a toujours tout vu, il va dire, bah, bonne dame, heureusement qu'on randonnait déjà tout seul sans dossard. Oui. Non, mais après, moi, je sais pas si les projets off ont spécialement le vent en poupe, quoi. Moi, peut-être on en parle un peu plus, peut-être, c'est comment tout. Comment notre auditeur mesure ça? Moi, je vois pas plus ça ces derniers temps, mais peut-être que je l'observe pas. Bah, ça existe, hein. Moi, j'en vois quand même pas mal, hein. Des grands ultra-runners qui font des trucs. Il y en avait un l'année dernière qui avait. Comment il s'appelle? Gates? Ricky Gates, un truc comme Bill ça? Bill Gates? Non. Non, un autre. Hein. Je sais plus son nom, mais qui a fait qui a traversé les États-Unis en courant aussi. Mais on en entend plus parler peut-être parce que il le communique sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ça. Attends, avant. Vas-y, essaye de t'en souvenir. On attend. T'as. Bah, je t'ai dit Ricky Gates. J'avais une blague de merde en fait. J'avais une blague de merde avec Bill Gates que c'était pas un ultra runner mais un ultra earner. Ah oui. Oh, joli. Non mais après. Peut-être que les gens ils s'organisent aussi des week-ends entre potes pour se préparer quoi. Ils louent un gîte, ils passent un week-end ensemble et de cette façon ils arrivent à allier l'utile à l'agréable quoi. C'est un truc qu'on n'a pas dit quoi. C'est en guise de préparation, ben tiens on se rejoint à tel endroit puis on se fait un week-end là-bas tranquille. Enfin pas tranquille, où on va bosser, on va peut-être se faire même des blocs d'entraînement sévères. Mais on le fait entre potes. On pourra profiter, prendre du bon temps le soir et tout ça. Et je pense qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas dit. Il y a quand même un désir, j'ai l'impression, chez les gens, bah, d'aventure collective sans trop d'enjeux, quoi. Parce que dans nos vies, il y en a plein. Enfin, la performance au boulot, et puis la performance qu'on mesure, quoi. Et puis on passe énormément de temps à mesurer nos entraînements, regarder nos données en temps réel, analyser nos chiffres. Enfin, je l'ai dit dans une chronique, moi je suis un peu allergique à ça. Et je pense que aller faire un week-end en off avec des potes, ben tu te soustrais un peu de ces injonctions, enfin ou de ces injonctions en fait que tu te fixes à toi-même quoi. Et puis ben en fait le week-end passe tranquille. T'as bien bossé, mais en fait tu l'as fait avec que du plaisir. T'as rien mesuré, tu t'en fous. T'as fait du, je sais pas, on fait de la randonnée souvent avec des potes en week-end, enfin en rando trail, enfin des choses comme ça. Ouais. Et dans la même série, éviter de reproduire ce qu'on voit tous les jours, ce qu'on vit tous les jours, c'est bah le moi je quand je cours des trails ou je courais des trails, j'ai toujours mieux fin de peloton. Et c'est la queue des dizaines. Moi, comme tu l'as dit. Hein. J'ai pas aimé les gros événements connus comme Saint-Élion, comme les Templiers. Ouais. Alors que ça faisait effectivement rêver dans l'article de Jogging International. Parce que, punaise, j'ai fait toutes les Templiers, mais je me souviens, tu fais le démarrage déjà, bim, t'es arrêté au bout de 1 km pour faire la première radillon. Après, t'es sur le plateau, ça recourt. Et juste pour la descendre vers le premier ravito, mais c'était à l'arrêt, sous prétexte de descendre un petit coteau de merde pour rejoindre le village, quoi. Et après, c'était la queue leu pendant 10 heures. Parce que moi, ça m'a pris plus de 10 heures. Mais voilà, quoi. Et ça, au contraire, quand j'ai fait l'organisme de voyage, la reco de la CCC ou la reco de la TDS, des trucs comme ça, bon, on était en petit groupe de 6... à la cool dans la montagne, on croisait d'autres randonneurs, on croisait quand même d'autres. Tu l'apprécies plus, quoi. Oui, et puis c'était quand même des gens, enfin, sans être forcément entre potes, on peut aussi rencontrer des nouvelles personnes comme ça, sans forcément toujours être dans la même bulle, les mêmes connaissances, le même groupe et tout. Hein. Donc cet avantage qu'on peut avoir dans des courses que de rencontrer des nouvelles personnes, on peut l'avoir aussi sur des trucs en off, quoi. Mais ce monde sur les gros trails. Et donc, du coup, d'être tous les uns derrière les autres à juste essayer de gérer, de ne pas se prendre les bâtons dans les tibias, franchement, ouais, ça m'a pas. Ça m'a repoussé des grosses courses des Alpes, en fait. Emir, toi qui as fait les grosses courses des Alpes, tu en penses quoi des projets off? Je pense que c'est super sain. Moi, je trouve ça super sain et j'associe pas immédiatement ça à des actions commerciales. T'es aussi naïf que moi alors, ça me fait plaisir. Je pense que en fait, je peux assez facilement trouver des personnes de mon entourage qui ont fait ça, un groupe de potes s'est chauffé tout seul et allé à Decathlon. Ils se sont achetés des trucs et ils sont partis. Tu vois, enfin, il y a pas d'enjeu marketing dans cette histoire. C'est juste, ça fait effectivement moins de bruit qu'une star du milieu qui organise son off ou qu'un magasin qui fait un event Facebook et qui ramène du monde. Mais je trouve que les off, ça existait effectivement déjà, hein, en rando vachement, mais de plus en plus en trail. Et je l'associe toujours pas à un truc commercial. Après, voilà, dans la course à pied, la course à pied fonctionne de plus en plus, le trail fonctionne de plus en plus ces dernières années, et ce qui fonctionne, et là où il y a du monde, bah, très souvent les marques l'investissent, donc forcément, sur le créneau off, en gros, il y a des marques qui viennent chercher l'oseille qu'on peut se faire dans ce milieu-là, mais pour moi, le off, c'est un format super sain, où tu te fais un truc entre potes, ton truc à toi, quoi, qui n'a pas forcément vocation à faire du commerce ou quoi que ce soit, donc, le off pour moi c'est un format très sain qui sert entre potes à se faire un truc sans forcément mettre d'oseille sur la table. Bon, avant de se quitter quand même, on a les Bonitos qui nous ont posé quand même pas mal de questions, donc on s'excuse déjà auprès des Bonitos, on n'a pas répondu à toutes les questions, il y en avait trop, et on en a gardé quelques-unes pour la fin, alors on va répondre vite. C'est parti, première question. Quel est votre gadget indispensable pour les courses, Rémi? Le slip. Ok. Émile? Connecté. Ma montre. David? Un taille-hé électrique. Pour certains passages, quelquefois c'est mieux, tu vois? Oh putain. D'accord. Quelquefois c'est mal foutu, c'est pas pratique, et je pense que ça peut régler, ça peut aider beaucoup de gens. C'est bien, bravo. Deuxième question. Pourquoi courir alors qu'on peut faire des bonhommes de neige et se faire péter la panse pendant les fêtes? Émir. Je sais pas, pour suivre la hype d'Instagram. Oui. Okay. Prendre une luge pelle en équipement pendant les trails hivernaux dans les descentes est-il bénéfique pour gagner des places en plus? David. Déjà, il faut pas courir en hiver. Alors, je sais pas. Ok. Émile. Très bonne question, je n'en sais rien. Même si ça ne te fait pas gagner de place, au moins tu kiffes ta descente. C'est vrai, tu t'as mis. Merci pour cette réponse. De rien, ça m'a fait plaisir. Quelles courses les plus sympatoches pour avoir une qualification UTMB, Émir? L'ultramarin. Ok. Comment péter pendant une course quand les coureurs autour de nous n'ont pas d'écouteurs, David? Spécialiste parce que on voit que la personne qui a posé la question elle court pas entre elles parce que la Saint-Élion, les gens ils ont plus rien à foutre, quoi. Je dirais, il y a plus homme femme de je suis pudique, rien, tout ça et tout, non, c'est on dégage tout ce qu'il y a à dégager. Rémi, vous pouvez répéter la question? Comment péter pendant une course quand les coureurs autour de nous n'ont pas d'écouteurs? Eh bien, je dirais avant tout qu'il faut alléger l'alimentation en fibres d'avant-course afin d'éviter que cette situation se produise. Pour ma part, je n'ai jamais rencontré la situation. Donc de la prévention. Exactement. Et Margie? Moi, j'ai envie de dire à notre Bonito que s'il a envie de se lâcher, qu'il se lâche et puis voilà. Tu dis pas ce que tu fais, toi? Ah ben moi quand j'ai ça ne m'est jamais ceci ne m'est jamais arrivé. Pas. Je suis une fille déjà, donc ça ne m'arrive jamais. Par contre quand, entre elles quand j'ai envie de faire pipi, eh bien je m'arrête au bord et voilà quoi, je m'en fiche. Hein. Je veux dire, on est tous pareils. Hein. Il veut pas que je passe. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas suivi. Avec... là. Il faut pas que je passe à ce moment-là avec mon taille. N'importe quoi. Ah, sérieux que je taille. Et... Moi, ce mardi, excuse. Je remarque juste que la personne qui a posé cette question n'est pas au courant des nouvelles règles de la Fédération française d'athlétisme. Hein. Parce que les écouteurs ne sont plus autorisés. Est-ce qu'ils en disent quelque chose de la présence de Taïlé sur une course? Non, ce n'est pas légiféré, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu devrais essayer quand même, David, de voir. Ouais, bah ouais. Si ça passe ouais, ou pas. Je pense, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, puis ça charge pas. Ouais, ça charge pas du tout, quoi, en plus. Ça qui est bien. Ouais, c'est optimisé, on va dire. Exactement. Voyage et hébergement. Les bons plans pour un trail serein, confortable et pas ruineux. Émir ? Ah, j'ai cru qu'on avait un nouveau sponsor. C'était l'annonce sponsor. C'est vrai que ça me fait annonce. Excusez-moi. Nous remercions les hôtels Formule 1 de sponsoriser Jogging Bonito. D'ailleurs, donc, si vous voulez que je fasse une petite annonce, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts. On prend 10 000. Pardon, mardi, on peut refaire la question ? Voyage et hébergement, les bons plans pour un trail serein, confortable et pas ruineux. Alors, il y a... Une tente Quechua. Tente Quechua, mais confortable, je sais pas. Après, bon plan, oui, mais en même temps, bon plan et confortable, c'est antinomique, je suis perdu. T'as pas, donc. Et Rémi, toi, c'est tente Quechua. Évident. Non, mais... Ok. Moi, j'ai un super bon plan pour l'éco-trail de Paris. Vous vous logez au Crillon, c'est magnifique. Vous êtes à 1 800 € la nuit, mais par contre, vous dormez. Hyper bien. C'est ça. Et courir avec une tente 2 secondes, ça, c'est un défi. Je vous le suggère. Surtout quand il y a le vent de face. j'ai déjà monté et ça va. Est-ce que t'as un espèce de carquois dans ton sac Salomon? Non, mais j'ai un coup de bordure. Donc on a, nous on va faire un projet off, on va faire un trail off avec David, il prendra son taille et Rémi aura sur le dos sa tente 2 secondes et à voir donc nous ce qu'il faut que nous prenions, on va voir. Bah nous avec Émir on viendra pas. Ah déjà, ok, sympa. Moi je viens. Vous n'êtes pas disponible je crois, vous n'êtes pas là. Non, non. Ouais. Bon, prochaine question. Respectez-vous une période de repos annuel où vous enchaînez sans jamais vraiment couper ? Émir. Mais ne me parlez pas de ça, c'est de la provocation. Pas plus de 2 marathons par an. La provocation de me solliciter sur celle-là, laisse-moi tranquille, Émile. N'importe quoi. Bon, il a répondu, je crois. Oui, j'ai répondu. Rémi ? Moi j'aimerais m'entraîner tous les jours d'être régulier because discipline makes freedom. hashtag. Mais franchement c'est cool aussi de faire des pauses, de faire autre chose. Ce week-end j'ai fait carrément autre chose, j'ai pas eu envie de courir du tout, je suis pas accro non plus. Et ouais, je programme pas trop ça, c'est de toute façon on a quand même de toute manière toutes nos contraintes perso qui font qu'il y a des moments où on peut plus s'entraîner ou qu'on va pas s'entraîner. Ça pour moi ça suffit pour répandre des patchs de pause comme ça auxquels je me soumets bon gré mal gré quoi, et c'est à la cool. Après comme je suis une espèce de gros geek, de temps en temps je veux tester des nouveaux trucs pendant une semaine, comme un nouveau régime ou de jeûner ou des trucs comme ça. Et ouais, là cette année, j'avais programmé une petite semaine de jeûne, enfin de pseudo-jeûne parce que je mangeais un petit peu. Et oui, là, dans ce cas-là, ça m'a fait aussi l'équivalent de la pause en matière d'entraînement. Mais c'était encore une espèce de dogme avec lesquels il faut faire attention, quoi. C'est tout quoi, faut juste pas être con, t'en peux plus, tu t'arrêtes, voilà, c'est ça me paraît logique quand tu sens venir le burn-out, tu fais une pause et voilà. Mais dire je suis hyper bien, je suis en forme, pourquoi est-ce que forcément je ferai une pause en novembre parce qu'il faut faire une pause, osef quoi, on s'en fout, si t'es bien t'es bien. Et par contre si tu te sens en difficulté, c'est dommage de se forcer à continuer. Merci pour cette réponse courte. À toi, moi, je vais faire court. Quand il pleut. Voilà. Il pleut longtemps, next chez toi, question. Non. pas souvent. À peu près 5 jours par an. Il pleut des flammes. Il pleut des flammes. Aussi, ouais. Et des start-upers. Et des codeurs. Un marathon, c'est plus simple en miles ou en kilomètres, MRG ? En miles. Beaucoup plus facile de penser que marathon, ça fait 26,2 miles que 42 kilomètres. Je veux même pas y penser. Je l'ai jamais pensé en kilomètres. Ah, donc c'est beaucoup plus court en fait. Bah ouais, marathon, c'est pour ça. C'est pour ça, il vaut mieux penser en miles. C'est plus simple. Autre question. Pourquoi les bénévoles sont-ils en gilet jaune, David ? Ah, parce qu'ils portent des chemises marron. C'est quoi cette réponse ? J'ai pas compris. Bah, c'est assorti. Ah, je crois que c'est un peu une blague de des proches, ça. Non ? Coluche, tu te surestimes. Je suis perdu. Je suis totalement perdu. De quoi ? J'ai cru que t'allais dire parce qu'ils finiront pas le mois ou un truc comme ça, mais non, rien. T'es parti sur du vestimentaire, quoi. Ok. Bah ouais, il faut assortir les vêtements. Et je repose la même question à Émile. Pourquoi les bénévoles sont-ils en gilet jaune ? Ouais. Il faut que tu répondes plutôt. Franchement, je sais pas quoi répondre. Parce que c'est notre projet. C'est dans le thème, c'est dans le thème. Très bien, on prend. Bon, pour terminer, alors attention les gars, je vais vous poser une question. Il va falloir qu'on réponde tous en même temps. Oula. Vous êtes prêts ? Bite ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on est dans le jogging bonito, qui a fait rentrer ce beauf ? Vous êtes prêts ? C'était pas ça la question ? Qui a fait rentrer ce beauf perdu ? Ouais, non. Tout part en cacahuète, hein. on est plus calme normalement, on est plus posé, hein. Ça va pas là. Putain. Attention, on y est. Parce que c'est une question absolument clé, qu'on entend plein de versions différentes et que personne n'a jamais vraiment répondu. Comment doit-on prononcer le mot trail ? Trail running ? Trail ! Trial ! Trail ! Trail ! Heureusement qu'on devait tous répondre en même temps. Ouais, c'est le truc inaudible. Allez, on fait à 3, 1, 2, 3. Personnellement, 1, 2, 3. Course hors stade. J'attendais ça. 1, 2, 3. Trail running. Course hors stade. Parfait. Et bonne année. Ouais, c'est facile de dire des trail, machin, et puis après de faire des bonne année. Ces attaques gratuites. Excuse-moi, moi je sais parler français. Attaque gratuite et injustifiée. Merci, exact. Merci, Emilia. Et voilà, toute bonne chose est en une fin. Il est temps de libérer nos bonitos, en espérant qu'ils ont apprécié autant que nous ce joyeux tohu-bohu. Notre petite contribution au paquet coloré sous le sapin. On le sait, vous avez été très sages, les bonitos. Bien sûr. N'oubliez pas la newsletter, les bonitos. Rejoignez-nous sur Discord et envoyez-nous de l'amour sous forme de 5 petites étoiles sur iTunes. Merci encore, Rémi et Emile, d'avoir partagé cet épisode avec nous. C'était un plaisir de vous revoir. C'était très sympa et moi, je suis très heureux de terminer cet épisode sur l'image du paquet d'Emile sous le sapin. Ça me fait quelque chose. Bon, David et Emile, vous acceptez quand même de me retrouver en janvier, rien que moi ? Avec grand plaisir. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme tu dis. Ces gens ont une vie. Ces gens ont une vie à récupérer par ailleurs. La magie de Noël seule, ouais. Elle a pu les faire revenir, mais... Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Avec plaisir. Effectivement. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Bah ouais. On souhaite de bonnes fêtes à nos bonitos alors. Ouais, bonne fête. Ben oui. Et bonne fête, joyeux Noël et Happy New Year. On se revoit en 2019. Bye bye les bonitos. Les bonitos. Bye bye. À l'année prochaine. Salut. Ciao. Bisous, bisous. Toi d'abord. Non, tu toi. Raccroches, allez. Non, vas-y. C'est toi. Non, toi. Oh non, on a dit qu'on arrête. Non, bon, alors jeu. À 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est à toi. T'as pas raccroché. 2. 3. T'es là ? Non, tu l'as pas fait. T'es toujours là ? Allô ? Arrête, je crois qu'il y a ma sœur qui écoute sur l'écouteur.